Je prends exemple, par exemple, comme Jean qui faisait des cochons, là. Oui. Un jour, il vient à la maison et il me dit, « Oh, je vais faire tous mes clients. » Je demande pourquoi, puis lui, il dit, « Ben, parce que maintenant, qu'il dit, on ne donne plus de prêts à ceux qui ne travaillent pas avec les coopératives. » Alors qu'il dit, « Comment je vais faire ?» Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais acheté les murs du bar. Oui, d'accord. Et lancé le bar.